Du coup, troisième table ronde, cette fois sur la question d'être une femme ou minorité de genre dans les milieux de la culture et sur le positionnement féministe, la pratique de terrain. Alors, première question très générale, quelles problématiques on rencontre concrètement quand on est une femme ou minorité de genre dans les milieux de la culture en tant qu'actrice culturelle ou chercheuse ? Au Méliès, on est une équipe de 12. 12 personnes, on est 3 femmes sur 12. Il faut savoir que dans le cinéma, en fait, c'est quand même un métier, en tout cas dans l'exploitation cinématographique, c'est quand même des métiers qui étaient assez techniques. Et du coup, qui dit technique, souvent, c'était quand même plus des hommes qui étaient sur ces métiers-là. Depuis la numérisation, en fait, en 2006, on a eu, on va dire, des nouveaux postes qui se sont créés. Et du coup, des postes aussi qui ont permis à des femmes, enfin même si on peut aussi se positionner sur les postes techniques, mais on sait très bien qu'au niveau d'un construit social, c'est pas forcément ça. Et du coup, voilà, d'avoir plus de figures féminines dans ces équipes. Donc depuis 2 ans, il y a Sabrina qui est arrivée déjà, qui est responsable communication et public jeune, puis moi l'année dernière. Et Carole, donc on est trois femmes. Donc déjà c'est chouette, mais on est quand même en minorité. Et quelles problématiques on rencontre tous les jours, si ce n'est d'être en minorité, de pouvoir aussi, pas imposer notre regard, mais en tout cas de pouvoir porter notre parole, qu'elle soit écoutée, entendue, elle l'est, mais en tout cas qu'on soit un peu en force là-dessus, sur des choix, imaginons, cinématographiques, que ce soit entendu. Uriel, je vois que tu as envie de prendre le micro. Oui, eh bien en fait, il y a toutes les précarisations que l'on peut rencontrer. Donc en fait, les offres d'emploi qui sont beaucoup plus compliquées à obtenir, les postes, même juste les différences de salaire, les ventes de pièces, d'œuvres, de performances, les ventes de spectacles, etc., qui peuvent être plus compliquées. Donc il y a toutes ces précarisations-là de par l'exclusion. Et puis, lorsque l'on est dans le système, qu'on arrive à se faire une petite place, eh bien, en fait, il y a toutes les mises en danger et toutes les agressions qui sont présentes. Donc, voilà. Quand on est gardé à l'extérieur, on est précarisé. Puis, une fois que l'on est un petit peu plus à l'intérieur, eh bien, on est dans un environnement dangereux, quoi. Voilà. Peut-être la question qui est intéressante, je ne sais pas, mais on a pu le voir notamment dans ton travail, Alice, c'est que parfois, pour s'intégrer dans des milieux qui sont très masculins, très normés, on est obligé d'adopter certains codes pour s'intégrer dans ces milieux-là. Est-ce que ça vous est arrivé de changer votre façon de vous comporter, d'agir, de penser, peut-être pas de penser, mais en tout cas de faire, pour justement arriver à obtenir une place, en fait, au milieu de tout ça? Moi, je sais que les premières fois que j'ai participé à des réunions de recherche, alors vraiment pour l'aspect recherche de mon travail, je me suis rendu compte qu'on attendait de moi que je sois souriante et sympa et que je porte des habits, pas que je porte des habits, mais que je représente quelque chose de doux et de coloré et de vivant. Et du coup, en réponse à ça, j'ai décidé à chaque fois, j'avais un dress code très particulier pour chacune des réunions où j'allais, et je me forçais à avoir vraiment une poker face, c'est-à-dire à ne pas sourire du tout, à regarder les gens droit dans les yeux quand ils riaient en ne riant pas, et à avoir des habits exactement ce genre de bottes que je porte là, des trucs qui peuvent faire un peu dominatrice comme ça. Vite fait, et des trucs en cuir et être habillé en noir juste pour faire stresser un petit peu, parce que sinon en fait j'ai l'impression que du moment que j'étais souriante et que je portais des habits de couleur, en fait ce que je disais c'était rigolo et que on pouvait passer outre, et qu'en fait les idées que je pouvais avoir on les attribuerait à quelqu'un qui serait, enfin je sais pas, aux autres gars de la salle, quoi, un peu plus âgé. Donc c'est un exemple. Peut-être Alice, du coup, pour revenir sur ta question, sur ta recherche, Je reprends peut-être Marie Buscato qui dit que justement le genre influence les possibilités de l'enquête, etc. Est-ce que toi, justement, en faisant des entretiens et en gravitant notamment pour étudier les masculinités dans les musiques électroniques, est-ce que tu as dû justement peut-être changer ton comportement pour pouvoir arriver, je sais pas, à avoir plus d'informations, que les gens se livrent plus à toi, etc. Alors déjà la première chose que, enfin pour prolonger un petit peu ta question, quand on arrive sur le terrain, quand on fait de la sociologie et notamment comme moi, quand on fait de l'ethnographie, c'est-à-dire pas juste, même si, enfin c'est une méthode que je fais par ailleurs, mais c'est pas seulement des entretiens, c'est aussi suivre de manière régulière, routinière, des individus dans leurs activités pour voir un petit peu comment ça se passe en coulisses. Dans tous les cas, on arrive avec les à la fois les différentes casquettes sociales qu'on peut avoir, donc en termes de genre, mais pas que. Enfin, c'est toujours co-construit avec pas mal de choses, mais aussi des expériences précédentes qu'on a. Par ailleurs, il y a toujours ce jeu où on va chercher à se conformer à certaines des habitudes du, bah, là dans mon cas, du monde professionnel que j'étudie, et en même temps, parfois, à jouer un peu sur des choses qui vont faire tâche, entre guillemets, et à pas se conformer à certaines des habitudes du milieu, soit pour rester dans sa posture de sociologue, par exemple, ou pour plein d'autres raisons. Et bon, pour incarner un petit peu plus mon propos, donc moi je travaille sur les musiques électroniques, et comment dire, ce que j'imaginais, et c'est toujours intéressant d'avoir, ça permettra de faire un lien avec la première question aussi que t'as posée, ce que j'imaginais comme difficulté en fait qui pourrait m'arriver avant de commencer mon enquête, j'étais là bon ok, ça va être un milieu très masculin, ça va être compliqué pour moi en tant que jeune femme qui commence à apprendre la pratique de la sociologie dans le cadre d'un doctorat, d'intégrer ce milieu. Le fait est que les difficultés en fait ne se présentent jamais tout à fait comme on les imagine, et elles nous disent beaucoup du monde social qu'on étudie. J'ai été accueillie à bras ouverts, notamment par des femmes, notamment par des personnes féministes, ce qui, en plus de ça, m'étonnait énormément, parce qu'en fait, à aucun moment donné, dans ma présentation de mon enquête, j'expliquais que je travaillais sur le genre. Et donc ça, c'est plein d'enseignements qu'on récolte chemin faisant pendant l'enquête sur la manière dont ces questions-là traversent ce milieu-là, font question, comment un espace de la cause est en train de se constituer dans ce milieu. Et en fait, c'est toujours utile pour les individus d'avoir éventuellement une jeune sociologue qu'on imagine comme étant féministe de son côté. Bon, ça, c'est déjà un indice et qui est important à... qui permet d'éclairer en fait des hypothèses par la suite. Et sur les difficultés, du coup, ça a été plutôt de pas être encliquée dans un endroit plutôt féministe et d'étudier que les féministes et les femmes auxquelles j'étais directement assignée en fait, puisque on perçoit comme femme, et donc forcément je dois être un peu féministe comme toutes les femmes de ce milieu-là. On s'imagine qu'elles sont féministes, peu importe ce que ça veut dire. Voilà un petit peu, c'est toujours assez fascinant. Et sinon, par contre, sur les stratégies concrètes, ça, c'est des choses qu'on mobilise, je pense, chacun et chacune, quand on fait de la recherche en fonction de nos propres parcours, en fonction de hasard aussi ethnographique. Moi, hasard, entre guillemets, c'est qu'il se trouve que je ne bois pas. Je fais de l'ethnographie dans un milieu où les sociabilités sont structurées autour des consommations, notamment d'alcool. Au début, ça me coupe des espaces un petit peu où travaillent les gens, parce que on va discuter, les discussions ordinaires se font autour d'une bière, en fumant une cigarette. J'en fais pas partie, mais par contre ça va me permettre de, c'est tout bête, mais de conduire en voiture les artistes pour les ramener chez eux à la fin des soirées, d'occuper un poste technique particulier, mais en fait ça se fait à nouveau parce qu'il se trouve que j'y ai pensé, parce qu'il se trouve que à ce moment-là de mon parcours biographique, je buvais pas d'alcool, que ce milieu-là en boit, enfin voilà. Est-ce que à un certain moment, on a vachement parlé des différents capitaux qu'on peut avoir ou ne pas avoir, d'ailleurs, généralement c'est ça le problème. Est-ce que à un certain moment, vous avez eu justement une prise de conscience? Est-ce que vous avez eu un moment AA, où vraiment tout a éclaté en se disant j'ai l'impression qu'en fait je suis dans une position d'infériorité et que cette position d'infériorité du coup c'était vraiment une espèce de violence symbolique que vous aviez intégrée et du coup comment s'est passée cette prise de conscience si vous en avez eu une? Bon, Je me jette en première, du coup. En fait, moi, ma prise de conscience, je l'ai eue, en fait, suite à un burn-out durant mes études. En fait, ce burn-out, il a été engrangé par le fait que j'avais subi une agression de rue et que je n'étais plus apte à travailler. Et qu'en fait, je me suis confronté à un prof qui, en fait, minimisait totalement l'agression que j'avais subie, qui disait ce que tu as perçu comme une agression, ce que tu as vécu dans ce quartier, enfin voilà. Et ça s'est combiné avec plein de violences qui, en fait, étaient en continuum dans l'école dans laquelle j'étais, avec un prof qui m'avait engueulé parce que je l'avais déçu et qui utilisait des phrases d'ex toxiques avec moi alors qu'il était très moche. Enfin, voilà. Voilà, j'ai fait un burn-out. Et à peu près à la même période, en fait, il y a eu la manif des retraites, il y a eu une occupation des Beaux-Arts de Saint-Étienne. J'y ai participé avec plusieurs de mes amis. Et ça a été, en fait, le moment de trop-plein. Faut tout faire éclater. Et ça a été également le moment où, bah, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont conseillé des vrais livres vraiment en colère, en fait. C'est-à-dire que jusque-là, on me conseillait juste Aimer Césaire, La Négritude, dans un truc de aimer mon insularité. Pas des trucs dans lesquels, en fait, on me disait de détester la France. Et justement, ça a été ça pour moi le gros déclencheur. Ça a été de réaliser, en fait, toute la misogynie que moi-même je subissais en tant que personne trans et en tant que pédale aux Beaux-Arts et ce racisme-là, quoi. Et où, du coup, genre, on va dire que ça a un peu éclaté, quoi, après. Est-ce que le fait de se positionner comme féministe peut changer la façon dont on pratique, alors ça peut être féministe, mais ça peut être aussi féministe antiraciste, enfin je lis aussi toutes les luttes, hein. Mais le fait de se positionner du coup peut changer la façon dont on pratique son terrain, c'est une question importante que moi je me suis beaucoup posée au cours de mes années d'université où effectivement à un certain moment on est obligé de, enfin on sait que son positionnement influe obligatoirement sur sa recherche et le fait est de savoir comment dealer avec cette question, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on nous apprend, enfin, en tout cas en sociologie, on nous apprend souvent qu'on doit être neutre, que notre enquête ne doit pas être biaisée, etc. Et puis on se rend compte au final que ceux qui disent ça, généralement, c'est encore des hommes blancs. Pour reprendre le terme d'aujourd'hui, mais du coup, comment on fait et est-ce que du coup, ce positionnement féministe, elle peut aussi, elle vous a aussi, elle a aussi pu faire changer vos façons d'appréhender votre terrain, qu'il soit de recherche ou qu'il soit artistique. Alors dans mon cas, bon, c'est des éléments, on a déjà eu l'occasion d'en discuter d'ailleurs toutes les deux. La question de ce que le positionnement du chercheur ou de la chercheuse fait à sa recherche, c'est finalement quelque chose qui est assez balisé en sociologie aussi, aujourd'hui, dans la littérature méthodologique. Par contre, la question de ce que les convictions politiques de la personne qui conduit la recherche font à l'objet de sa recherche, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins discuté, mais qui commence à être discuté notamment par des chercheurs et des chercheuses issus de, notamment de l'anthropologie féministe. Alors, dans le cas de ma propre recherche, comment dire, j'estime pas, parce que pareil, c'est des débats qui existent dans la sphère académique, en sociologie, etc., sur est-ce qu'on fait de la, en gros, est-ce qu'on fait de la meilleure recherche parce qu'on fait de la recherche en féministe. C'est une question qu'ont pu se poser les épistémologies du point de vue situé, où d'ailleurs il y a plein de manières d'appréhender le point de vue situé, voilà. Dans mon cas, je crois que j'ai plutôt appliqué, et j'ai appliqué implique en, pour l'instant dans mon travail de recherche une prudence, dans le sens où je suis pas sûre que d'être féministe, et je dis ça parce que en fait j'ai eu une socialisation au féminisme de par ma trajectoire militante avant de commencer de la recherche, je suis pas sûre que de faire du terrain en féministe ça fait de moi une meilleure chercheuse, hein, très clairement. Par contre, ça peut donner des ressources. Alors à la fois des ressources quand il se passe des choses sur le terrain d'enquête pour pouvoir peut-être réagir plus rapidement dans le cas de violences par exemple qui peuvent se passer sur le terrain d'enquête et qui peuvent d'ailleurs même concerner la personne qui fait de la recherche. Ça peut nous aider aussi à peut-être à garder en tête que faire de la recherche et notamment de l'ethnographie, c'est dans une position inconfortable en permanence, parce que de fait, c'est nous qui venons solliciter des gens qui n'ont en fait rien demandé, c'est nous qui, derrière, allons signer un article, par exemple, ou faire apparaître notre nom sur le poster d'un appel, enfin d'une journée d'études, par exemple, comme aujourd'hui, à partir de vécu que nous ont transmis les gens. Et quand bien même on peut être, voire même on doit être, bon, peu importe, en solidarité, parfois, avec les personnes avec qui on enquête, c'est aussi notre, c'est aussi un travail en fait. On est, enfin, moi je suis chercheuse, mais je suis, c'est mon emploi, enfin c'est mon travail, et donc j'en tire aussi une rémunération. Donc c'est d'avoir conscience en permanence de ce dilemme-là, et peut-être que pour le coup d'être féministe, ça aide à, ou d'avoir été socialisée d'une manière ou d'une autre au féminisme, ça permet de, au moins garder cet inconfort en tête et de garder en tête que les rapports de pouvoir tels qu'ils se croisent sur le terrain, qui peuvent nous intéresser, et ben en fait on est pris de fait dedans, et parfois aussi on, nous en tant que chercheurs ou chercheuses, dans une position dominante finalement. Je trouve que c'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est tellement lié, comme encore une fois ça fait partie d'un parcours de vie. C'est pour ça que j'avais du mal à répondre à ta question d'avant aussi sur est-ce qu'il y a une prise de conscience. Ça fait partie de choses où mes amis, les gens que j'ai rencontrés pendant mes études, avec qui je vis, en fait, m'ont appris le féminisme. C'est par mes amis que je me suis engagée, et c'est toujours le cas maintenant. Et c'est d'ailleurs comme ça que je pense que c'est important de vivre la lutte. Et du coup, ça fait vraiment partie du quotidien. Et du coup, de ce moment-là, comment le séparer du moment où je vais travailler sur une exposition? C'est peut-être... je pense que dans mon cas, ça peut être peut-être le fait de justement ne pas croire qu'en demandant des appels à projets à tel endroit ou en mettant mon nom quelque part, je peux recevoir de l'argent. Ça peut être éviter de me faire des illusions. Ça peut être essayer de... justement parce qu'on est conscient de tous ces angles morts et de la façon dont les gens privilégient systématiquement certains profils, que du coup, en tant qu'artiste, en tant que chercheuse, c'est important de créer un réseau qui soit quasi pas alternatif, parce que on n'a pas envie d'être des alternatives en fait, mais d'un réseau plus sain, de se soutenir les unes les autres, de se donner la parole, de pas être dans une fascination, ou je sais pas, dans les auteurs, autrices que je vais citer pour ma propre thèse. De me dire, ah, s'il y a cet énorme gars qui est systématiquement cité, comme à peu près 99,9% des cas, c'est un arbre qui cache la forêt. Donc je vais avoir le réflexe de regarder tous les autres gens que cette personne ne cite pas, ou les gens qui vont travailler sur le même sujet et qui ne sont pas cités. Ça peut être... mais en fait, pour moi, c'est pas que pour moi, je pense que c'est pour plein de gens. C'est une pratique quotidienne. C'est pas un engagement, juste une perspective. C'est... ouais, c'est nos relations au quotidien. Et en fait, je pense que ça nous donne une grille de lecture par laquelle, après, on décide de socialiser et de produire de l'art et de la recherche autrement, d'une façon qui ne soit pas nocive pour nous et nos amis. Peut-être, juste pour finir, j'aurais une question sur... peut-être que le fait d'être féministe aujourd'hui, et je pense que Uriel t'aura envie de répondre... Le fait d'être féministe dans son métier, dans son art, dans ce qu'on pratique, aujourd'hui, ça se mêle obligatoirement à un positionnement militant sur d'autres formes de discrimination, que ce soit la transphobie, le racisme, le validisme, etc. Est-ce que on peut penser le féminisme autrement qu'en termes d'intersectionnalité et Si du coup le positionnement féministe y permet de remettre un peu en question l'universalisme tel qu'on va le connaître, tel qu'on l'a conçu aujourd'hui, est-ce qu'on peut lutter pour un féminisme universel? Est-ce que c'est possible, qui milite contre une oppression commune, ou au contraire, pour reprendre Bell Hooks, est-ce qu'on doit affirmer justement la diversité, la différence, mais du coup les désaccords qu'il peut y avoir au sein des mouvements féministes? Bah du coup, merci de m'avoir mise en porte-à-faux. Non, c'était pas du tout le but. Non, je t'inquiète, je le vis pas comme ça, ça va. Oui, en tout cas, dans nos territoires actuels, il y a une nécessité d'un féminisme intersectionnel, parce que l'on est sur des territoires qui sont cosmopolites, on est sur des territoires qui sont extrêmement diverses, des territoires qui ont des dettes historiques. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, par exemple, en France, eh bien, en fait, il y a une histoire de la masculinité qui est liée à l'histoire du colonialisme. C'est-à-dire que, eh bien, oui, en fait, la masculinité qui s'est créée par la pipe à tabac, eh bien, était rendue possible parce qu'il y avait des exploitations à tabac dans le sud global, etc. Maintenant, j'ai l'impression que le féminisme intersectionnel, il se doit de l'être, vraiment par une question de la dette et de la dignité, qui est que, par exemple, si en fait aujourd'hui des femmes ont accès à la recherche, des femmes peuvent exercer un travail, en fait c'était avant tout des femmes blanches. Parce que le travail au sein de la maison, le travail au foyer, donc en fait de s'occuper des enfants, s'occuper du mari, s'occuper du ménage, s'occuper des parents et des personnes âgées, a pu être relégué en fait aux femmes et aux hommes en fait de l'immigration forcée des colonies par exemple algériennes ou en fait des colonies outre-mer par le bimidum. Et donc des femmes blanches qui aujourd'hui se retrouvent en situation de pouvoir institutionnel ou même professionnel et qui du coup possèdent un capital culturel ou possèdent certaines possibilités de militance, eh bien en fait les possèdent parce qu'il y a eu le sacrifice en fait de personnes racisées et aussi un sacrifice de certaines personnes des classes ouvrières. Maintenant, c'est pas pour dire qu'elles n'ont pas de mérite ou quoi que ce soit, hein, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, sur nos territoires, il y a une nécessité de l'intersectionnalité par ces choses-là. Maintenant, cette intersectionnalité, elle veut pas dire que les féministes blanches doivent absolument, eh bien, en fait, libérer au sens de elles, ce qu'elles perçoivent être libérées. Eh bien, par exemple, les femmes, par exemple, au Liban. Par exemple, les femmes au Liban, eh bien, leurs conditions de vie, en fait, c'est à elles de les définir, de les redéfinir, ce qu'elles veulent en garder, ce qu'elles veulent en jeter. Et si à un moment, elles demandent de l'aide, parce qu'elles ont besoin d'aide financière, elles ont besoin d'aide en nombre, elles ont besoin d'aide, etc., eh bien, là, effectivement, les féministes du Nord et de l'Europe, en fait, auront le devoir de répondre à cette demande et à ces besoins-là. Parce que aussi, elles les possèdent parce qu'il y a eu une aliénation première, en fait. Donc moi, c'est surtout ça. C'est pas du tout une question d'un féminisme universel en tant qu'une politique à appliquer, mais en tout cas, une façon de penser dans laquelle on considère les perceptions du monde de chaque personne comme étant sa propre perception et comme ayant une valeur intrinsèque en tant que personne humaine qui mérite la dignité, en fait. C'est plus ça, en tout cas de mon côté.